Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Annie Ernaux, Antonio Lobo Antunes, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint. Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, documenté. Pour ce quatrième volet de nos entretiens, Jean-Philippe Toussaint, je vous propose après débuter, écrire, regarder, le verbe documenter. Un verbe titre pour nous permettre de parler d'un certain nombre de sujets. En fait, peut-être qu'on pourrait commencer par ce que l'internaute peut découvrir sur votre site jptoussaint.com, un site réalisé en collaboration avec l'informaticien Patrick Soquet. Alors, il convient déjà aussi de serrer le type de documents qu'on peut trouver sur ce site. Brouillon et inédit, commençons peut-être par les brouillons. Pourquoi finalement proposer ce matériau très riche, vous allez nous expliquer les différentes strates qui le composent, ces différents états. L'idée remonte à quand pour vous ? J'ai suivi depuis une dizaine d'années, même peut-être davantage, tout ce qui était lié à Internet. J'ai même été indirectement un précurseur. Je dis indirectement parce que l'idée ne vient pas de moi, mais du producteur du film La Patinoire, que j'ai réalisé, un des deux producteurs. L'autre productrice étant ma sœur, mais Pascal Judé-Lévitz a eu l'idée de permettre aux internautes de suivre en direct le tournage de La Patinoire. Comme il y avait un décor unique, qui était une patinoire, la patinoire de Franconville, il a décidé, on est en 97, d'avoir une webcam qui tournerait 24 heures sur 24. Alors c'est une idée qui était à l'époque très novatrice, et même peut-être trop novatrice, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'internautes, il n'y avait pas suffisamment de débit. Ce qui fait qu'il y a quelques personnes qui ont suivi, et eux s'en souviennent très bien, mais finalement il n'y avait pas assez de gens spécialisés, et on a fait vraiment une expérience tout à fait originale. Je pense que même historiquement c'était un des premiers films qui a choisi d'avoir un site dédié, donc c'était lapatinoire.com à l'époque, ça n'existe plus, et on avait quand même ce tournage en direct. Donc c'est une chose, j'ai toujours été attentif à cela. Au début des années 2000, il y a un professeur aux États-Unis qui s'appelle Alain-Philippe Durand qui m'a proposé de participer à un séminaire virtuel, c'est-à-dire d'accepter, ça marchait pas encore très vite, il n'y avait pas Skype, mais il y avait Internet, donc je devais être à proximité d'un ordinateur pendant 2 semaines et accepter le principe de répondre aux mails, en fait, aux questions des étudiants. Et donc, les étudiants avaient lu La Salle de Bain et avaient visionné la patinoire et me posaient chacun un certain nombre de questions. Mais tout ça m'intéressait. J'ai suivi ça de près avant d'arriver. Donc, j'ai quand même réfléchi pendant 9 ans. Et en effet, avec Patrick Soquet, il fallait trouver la bonne personne. Et Patrick Soquet était la bonne personne. C'est un informaticien qui avait travaillé avec Sony sur le livre numérique, qui était vraiment très, très... calé très fort dans tous ces domaines. Ma réflexion, c'est que je disposais finalement d'un très grand corpus de documents, qui étaient à la fois des documents écrits, donc qui sont devenus des PDF. Je disposais de vidéos, je disposais de photos, étant à la fois cinéaste, photographe, écrivain. Bon, une des choses, vous l'avez souligné, je me suis interrogé, est-ce que j'avais envie ou non de mettre mes brouillons en ligne ? L'idée était intéressante parce que c'est quelque chose qui est spécifique à Internet. Je ne pense pas que je demanderais à Irène Lindon de publier l'intégralité de mes brouillons en 7 tomes de 300 pages chacun. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc c'est quelque chose qui ne peut exister que sur Internet parce que c'est une masse énorme. Puisque moi, en fait, je sauvegardais au fur et à mesure les différentes versions. J'ai un certain nombre de brouillons que j'ai scannés. La question, c'était est-ce que j'acceptais le principe de le rendre publique d'une certaine façon? La réponse est oui. Alors je me disais, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu. C'était à la fois, je dirais, exhibitionniste et masochiste. Et en même temps, je suis passé outre ces adjectifs en me disant, ce qui m'intéresse, c'est que je propose quelque chose qui est spécifique à Internet. Je travaille sur une forme. Et j'essaye de créer avec Patrick Socquet et avec d'autres personnes, on y reviendra peut-être, un site Internet qui est une vraie réflexion sur la forme et sur la spécificité d'Internet. C'est pas un site d'écrivain. Donc il y a beaucoup de choses que je voulais éviter, le côté page Facebook ou mes rendez-vous, je suis tel jour, je fais une conférence là, les photos, moi avec un tel, moi avec un tel. Tout ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que ça n'a aucune spécificité formelle. Donc réfléchir avec des gens qui s'intéressent à Internet, qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit vraiment spécifique? Et donc la mise en ligne et mise à disposition de mes brouillons me semblait une expérience réellement originale. Et jusqu'à présent, j'ai jamais regretté, même si j'ai pas envie trop de me pencher sur la question. C'est-à-dire que j'ai pas trop envie que quelqu'un me dise « Ah, mais vous avez écrit dans tel brouillon que... » Bon, ça me fait un petit peu peur, parce qu'il y a ce côté... Mais c'est un risque que je prends. Deux choses par rapport à ça, Jean-Philippe Toussaint. Il y a d'abord le fait que vous ayez, vous, depuis longtemps, eu le désir ou ressenti la nécessité de sauvegarder différents états d'un livre qui s'écrit, ce qui n'est quand même pas le cas de tous les auteurs, à l'ère où on écrit sur les ordinateurs et où un fichier peut en écraser, en effacer un autre. Et puis d'autre part, c'est pas parce qu'on montre les coulisses qu'on explique quoi que ce soit. Vous pouvez être dans la cuisine d'un grand chef et regarder comment il fait son plat. C'est pas ça qui va vous expliquer pourquoi le plat va être bon. Donc, vous montrez beaucoup, il y a cette envie-là qui préexiste, et en même temps, ça ne dit rien d'une certaine façon. Tout à fait. Je partage parfaitement la deuxième réflexion. Évidemment, c'est pas parce que je montre comment je procède que le mystère de la création est résolu. Enfin, c'est... On peut étudier longuement mes brouillons, je ne pense pas qu'on écrira comme moi à la suite de cet examen. Enfin, je pense que ça ne dévoile rien. Et alors, sur la première partie de la question... Documenter, alors là, vraiment, pour le coup, garder les différents états. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je n'y avais pas du tout pensé dans un sens d'archive, et ce n'est qu'après que je me suis dit que, disposant de cette matière... j'allais pouvoir la mettre à disposition. Il s'est trouvé tout simplement que je travaille par session de travail. Entre chaque session, je sauvegarde. Et donc, simplement, je fais enregistrer sous. Et donc, j'ai, en effet, à la fin d'un livre, à la fin d'un manuscrit, j'ai 10 à 15 versions du manuscrit. Je les ai. Et même d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il m'est arrivé d'aller voir ce que j'avais 6 mois plus tôt ou un an plus tôt et de revoir la phrase. J'ai même... utiliser ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je m'en sortais plus, je dis mais d'où ça vient, j'ai commencé comment, je suis retourné à la version initiale où il y avait une sorte de fraîcheur, c'est la première fois que j'exprimais la chose, et peut-être j'ai retrouvé une sorte d'énergie, donc je consultais cela. Et c'est pour ça que votre question est très intéressante, parce que on a l'air d'entendre que depuis qu'il y a Internet, tous les brouillons disparaîtraient. C'est exactement le contraire. Moi j'ai pratiquement aucun brouillon du temps où j'écrivais à la machine, parce que justement là, j'étais pas très ordonné, mais avec l'ordinateur, que la façon dont je procède moi naturellement, qui est d'enregistrer sous, fait que j'ai une énorme masse de documents, mais qui ne prend absolument pas de place. Donc c'est une question de... Je m'étonne, je suis vraiment surpris qu'on dise, et que ça a l'air d'être dans... de notoriété publique, que depuis qu'on écrit à l'ordinateur, il n'y a plus d'archives. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Alors, dans ce site internet, toujours Jean-Philippe Toussaint, il y a une section qui s'appelle Cahier d'archives, où on peut se procurer des inédits de Jean-Philippe Toussaint, alors sous forme électronique, en téléchargement libre aujourd'hui, mais bien sûr, l'internaute peut contribuer financièrement s'il le désire. Alors, on y trouve le fameux premier roman échec dont on a parlé, celui que vous avez écrit avant La salle de bain. On y trouve aussi la pièce de théâtre Les draps de lit, et un livre bientôt disponible, La faute de frappe. L'idée aussi, c'est vous qui l'expliquez sur le site, c'était de demander à Laurent Demoulin d'établir pour chacun de ces textes inédit, une édition critique. Alors, ce qui est une idée évidemment à la fois savoureuse, curieuse, que de faire une édition critique d'inédit. Oui, alors je voulais donner un statut particulier à ces livres. Je n'avais pas envie qu'ils apparaissent d'une façon ou d'une autre en livre papier et qu'ils puissent apparaître comme mon dernier livre, étant la dernière parution. Ils ont un statut à part. Ce sont des livres que j'ai écrits, ou des tentatives littéraires, je le vois plutôt comme une tentative, des tentatives que je respecte, pour lesquelles j'ai beaucoup de tendresse, c'était mes premières tentatives, mais c'est un statut différent. Donc je ne voulais pas qu'il soit publié par exemple aux éditions de Minuit, je ne pense pas que d'ailleurs que Irène Nanon aurait été enchantée que je lui présente, mais donc je ne l'ai pas présenté, mais en même temps je n'étais pas du tout opposé à ce qu'il soit publié, auprès d'un public averti, c'est-à-dire j'avais envie de préciser que c'était mes premières tentatives, et si vous êtes étudiant ou professeur ou amateur, vous avez envie de jeter un coup d'œil, pourquoi pas, vous avez le droit de le faire, je suis ouvert à cela, et surtout parce que j'apporte un peu quelque chose de supplémentaire à l'originalité de ce site internet. Je pense que c'est cette spécificité d'internet, s'il n'y avait pas eu ce mode d'internet, ces inédits seraient restés dans... selon l'expression courante, dans mes tiroirs. Alors, je ne sais pas quel tiroir, mais enfin bon, maintenant on dit dans le nuage. J'aime bien les nuages, ça me paraît plus vraisemblable, parce que je n'ai pas de tiroir, enfin je ne pense pas que j'avais un tiroir dans lequel reposaient tous ces manuscrits, mais enfin bon, c'est selon l'expression consacrée, ils étaient dans un tiroir, ils seraient restés dans un tiroir. Mais là, en effet, ça me semblait être une spécificité d'Internet. Laurent Demoulin collabore à ce site, c'est un ami et c'est aussi un des collaborateurs actifs du site et c'est aussi un chercheur et donc je trouvais ça assez intéressant de présenter, de donner je dirais à ces manuscrits auxquels comme je l'ai dit je suis lié, enfin très affectivement lié, c'est mes premières tentatives littéraires, et bien je leur ai donné un très bel écrin. Laurent Demoulin, universitaire, s'est penché dessus comme s'il s'agissait vraiment de livres importants et a fait une édition critique. Patrick Socquet a fait de son mieux pour faire un magnifique livre électronique, et l'idée au départ c'était de le mettre à disposition et un peu d'étudier comment marchait le marché électronique, et donc on a fait appel à Amazon. Et donc on l'a mis parce qu'Amazon était le seul site qui permettait à des particuliers, dans mon genre, de publier à compte d'auteur sans maison d'édition. Tous les autres sites veulent avoir affaire à des éditeurs. On l'a fait, mais quand même ça me déplaisait profondément. J'ai quand même conscience qu'Amazon est un, je le dis simplement, un ennemi. Je me sentais vraiment en porte-à-faux, même si je n'enrichissais pas Amazon avec ses inédits, ce n'était pas les quelques téléchargements et les quelques personnes qui l'achetaient à un prix dérisoire d'ailleurs sur Amazon, c'était une question de principe. C'est vrai que la réflexion et la conscience que j'ai qu'Amazon met en péril le système de librairie de qualité en France, la façon dont il y a un dumping évident, c'est-à-dire ils offraient, en tout cas maintenant la loi va peut-être changer, le port gratuit en France, mais pas à l'étranger. Si vous voulez acheter un livre, mon livre au Japon, vous payez le port. Pourquoi? Parce que là, il y a plus de concurrence, ils n'ont plus de concurrents, donc ils font payer. Donc il y a tout un aspect extrêmement néfaste, déplorable d'Amazon, et je trouvais même à ma toute petite échelle qu'il fallait que j'aie une position éthique et morale, et donc nous avons retiré d'Amazon, qui ne s'enrichira pas sur mon modeste dos avec mes modestes inédits, qui étaient d'ailleurs très très peu téléchargés. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire en accès libre, et on le trouve, alors c'est très luxueux, hein, il y a tous les formats, pour liseuse, Kindle, pour l'iPad, etc. Et puis même, il y avait des étudiants qui ont dit « mais on n'arrive pas à le télécharger, nous on a juste un ordinateur ». Qu'à cela ne tienne, on offre maintenant aussi un PDF. Et donc voilà, il y a une sorte de grand luxe. On s'est penché sur ce berceau, si je puis dire, à plusieurs spécialistes. Et je suis assez fier finalement que ces inédits soient présentés et soient disponibles de cette façon. Alors ceux qui s'enrichissent avec ce site internet jptoussaint.com, ce sont bien sûr les chercheurs, les étudiants, puisque là aussi dans le site, il y a une masse de textes qui vous sont consacrés, Jean-Philippe Toussaint. Nombreuses thèses, nombreux mémoires. J'ai envie de citer quelques titres parce qu'ils sont souvent très beaux. Donc j'en donne quelques-uns. Personnage et narration dans la trilogie, à l'époque, hein, trilogie de Marie de Jean-Philippe Toussaint, une énergie romanesque du corps, ça c'était Marine Gilbert. Faire l'amour au cœur des interférences, c'est un essai de Célia Novak. Temps et espace dans l'univers flottant de Jean-Philippe Toussaint, Camilla Drake. D'une poignée de vent, la vie de Marie, selon Toussaint, d'Ernst Peter Röhe, et puis un dernier, un ou deux autres peut-être, la poétique narrative et descriptive de Jean-Philippe Toussaint, le réel comme oubli de soi, c'est Nicolas Xanthos, et puis, allez, un dernier, la dialectique de la fatigue et les stratégies narratives de Jean-Philippe Toussaint, ça c'est Anya Kaus. Est-ce que vous lisez tout? Est-ce que ça vous effraie un peu? Est-ce que vous apprenez des choses sur vous? Alors, je vais être très franc, ça m'enchante, je suis ravi. Et une confidence, non, je ne les lis pas. Et je dirais heureusement, parce que d'abord, ça me prendrait énormément de temps. Et puis, comme je me considère quand même toujours comme un écrivain en activité, je pense que ça pourrait être très perturbant pour moi de lire précisément tout ce que je fais et comment je procède, etc. Donc ça, c'est même assez intimidant. Il m'arrive de jeter un coup d'œil, je sais. Et alors, je voulais simplement préciser que tous ces thèses, ces mémoires, en fait, ont été donnés par leurs auteurs, les étudiants, et qu'ils sont consultables en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement des citations, vous pouvez cliquer et vous les lisez. On peut en effet tous les lire. Et c'est une des choses aussi à laquelle je tenais dans le site, c'est qu'en fait, l'idée, qu'on peut résumer en un mot, tout est cliquable. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on fait référence à un article ou à une thèse ou à un mémoire, on clique et on peut le lire. Sinon, c'est simplement une sorte de... comment dirais-je... Le catalogue... Oui, c'est pas extrêmement intéressant. Donc et c'est aussi, indirectement, une réflexion sur l'archive. Et donc, je trouve que... et une réflexion pratique sur l'archive. C'est-à-dire que, finalement... Ce genre de questions, normalement, se posent 20 ans après la mort de l'auteur, ou 10 ans, dans le meilleur des cas, juste après la mort de l'auteur. Et ça m'intéresse de me la poser, cette question de l'archive, dès maintenant, et donc finalement d'apporter aussi ma propre réflexion, avec d'autres, sur ce que j'ai écrit, ce qui normalement ne fait pas partie de ce qui va être publié, de ce qui devait rester dans l'ombre, et ben pourquoi pas y réfléchir. Et moi, je suis ravi aussi d'avoir cette réflexion, parce que ça fait partie aussi de mon travail. Et comme si ça ne suffisait pas, comme s'il n'y avait pas assez de choses à lire, Jean-Philippe Toussaint, par votre site, on est incité à écrire. Là, je veux parler du Borges Projet. Vous évoquez dans La vérité sur Marie, une nouvelle de Borges, l'île des anamorphoses. Est-ce que vous pouvez raconter la suite et ce que vous proposez sur le site? Oui, alors dans La vérité sur Marie, j'invente une nouvelle de Borges. Alors c'est très ce qui très est la moindre des choses. Ce qui est la moindre des choses en ce qui concerne Borges, je lui rends la monnaie de sa pièce, si on peut dire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens et très cultivés ont cherché cette nouvelle, enfin, parce que c'était pas clair. La seule précision, c'est qu'il y avait l'adjectif, je disais, la nouvelle apocryphe de Borges. Donc on aurait pu là se méfier. Enfin, je sais que beaucoup ont cherché, mais cette nouvelle n'existe pas. Et pour cause, je l'ai inventée. L'idée, avec les gens avec qui je collabore, avec Patrick Soquet, avec Laurent Demoulin, avec d'autres, on s'est dit, mais pourquoi pas faire appel aux internautes, aux étudiants, aux chercheurs, aux professeurs, aux écrivains, aux amis, et leur proposer de l'écrire, cette nouvelle. Et donc, on a mis au point dans le site le Borges Projet, avec un appel à contribution, en invitant chacun, et j'appelle tous les gens qui nous écoutent à y réfléchir, à se pencher sur la question, s'ils ont envie d'écrire cette nouvelle, l'île des anamorphoses. Il y a juste deux ou trois lignes de contraintes, c'est-à-dire que je résume la nouvelle où l'écrivain qui a inventé la troisième personne en littérature finit déprimé et vaincu par se remettre à écrire à la première personne. Voilà en gros le sens ou le résumé de la nouvelle apocryphe. J'invite donc chacun à l'écrire. Et là aussi, ce qui m'intéresse dans ce site internet, c'est qu'il soit dynamique, c'est qu'il soit vivant. L'interactivité ne me plaît pas dans le sens de laisser des messages ou de dire bonjour, tout ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la forme. Mais ce type d'interactivité, c'est-à-dire là, c'est de la vraie interactivité, il faut travailler, il faut proposer. Et donc j'invite les gens qui veulent se pencher à écrire cette nouvelle et on va créer une forme spécifique sur le site, on va créer une sorte de ciel étoilé. Et on pourra cliquer sur différentes étoiles et chaque étoile aura une sorte de nom de code et s'ouvrira sur une des nouvelles écrites par tout un chacun. Et l'idée assez borgésienne, parce que tout ça évidemment devient assez labyrinthique et universel et infini à la façon de Borgès, c'est que dans mon esprit ou dans mon espoir, les nouvelles apparaîtront dans ce ciel étoilé. Alors, je rêve à ce qu'il y en ait au moins une dizaine au départ, une quinzaine, mais qu'après, l'étape suivante, ce serait de faire un appel à la contribution pour qu'on les traduise. Donc, par exemple, telle nouvelle, j'ai fait l'appel en contribution en japonais et en coréen. Donc, je suis en train d'écrire quelques messages à des amis pour que j'ai au moins un ou deux écrivains japonais et ou coréens qui se penchent sur la question, qui m'envoient un texte. Je serais vraiment très flatté de pouvoir mettre un texte, une nouvelle d'un écrivain coréen. Et après, l'idée, ce serait de le faire traduire. Donc, et un peu dans toutes les langues, que ce texte écrit en coréen, soit traduit en allemand, puis enfin bon, quelque chose de vraiment borgésien. Et l'idée est toujours de faire de ce site quelque chose de dynamique. C'est difficile, alors on n'arrête pas d'y penser, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'assez lourd. Le site, il bouge pas tellement, je voudrais qu'il bouge plus. Une autre idée qui était dès le départ, c'était de faire appel à des correspondants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a sur la page d'accueil une possibilité d'entrer. Alors, on peut rentrer dans la page en français, donc par Paris, et on a une déclinaison classique, mais on peut aussi rentrer par la page Japon, par Tokyo, et la page est en japonais, et c'est très très riche. Et aux États-Unis, la page est en anglais, et elle était confiée à Alain Philippe Durand, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un professeur, et qui, avec ses étudiants, est chargé de la page. Et récemment aussi, j'ai mis au point une collaboration avec l'université de Sarrebruck en Allemagne. Et il y a un séminaire qui est dédié spécialement à la page allemande du site. Et donc, il y a 4-5 étudiants qui travaillent spécifiquement sur cette page. Et donc, du coup, s'ils travaillent, ça va bouger. Ils vont changer des choses. Et moi, mon rêve, c'est que ça bouge. Donc, j'essaye de donner des petits coups de tous les côtés pour faire bouger les choses et que ce site soit vivant, dynamique et qu'il se passe quelque chose. On voit bien qu'il s'en passe des choses sur jptoussaint.com, je le redis encore une fois. Alors pour revenir au verbe documenter, qui guide cet entretien, et puis pour aborder la question du making-of. Vous avez expliqué tout à l'heure cette innovation, cette webcam qui suivait et permettait de suivre en permanence le tournage de votre film La Patinoire, qui lui-même et l'histoire d'un tournage de film, donc on est en plus dans la mise en abîme, mais c'est une dimension, celle des coulisses, qui est présente aussi dans le catalogue La main et le regard de l'exposition Livre-Louvre. Enfin, c'est vraiment une question qui vous intéresse au-delà de la question de l'écriture. On pourrait dire que les brouillons, ce sont aussi des coulisses. On revient à la question hantée, celle du regard, d'où est-ce qu'on regarde, du décalage? En fait, c'est vrai que ce goût des coulisses, d'aller voir derrière, m'a toujours fasciné. C'est vrai que dans les films que j'aime, il y a La Nuit américaine de Truffaut, mais encore plus La Ricotta de Pasolini. Mais tous ces films qui montrent un tournage, ça m'a toujours fasciné, au point que j'en ai fait un moi-même. La Patinoire, en effet, raconte un tournage de film. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que ça n'explique rien du mystère. C'est pas parce qu'on voit ce qu'il y a derrière qu'on comprend tout. C'est que ça désacralise, ça désacralise pas du tout. Ça, au contraire, je dirais, ça apporte plus, c'est un complément. Et donc j'ai eu ce goût, j'ai toujours aimé aller voir derrière le rideau. Et donc c'est vrai que lorsque j'ai fait l'exposition du Louvre, j'étais content que y ait des caméras qui soient là Par exemple, j'ai pas un goût particulier des caméras pour expliquer mon travail dans le sens de la promotion. Au contraire, je préfère me tenir assez éloigné des plateaux de télévision. Par contre, dans le travail et sur le travail, j'aime beaucoup parler du travail au moment où je le fais. Et je pense que c'est une chose réellement importante. D'abord que moi-même, ça me plaît de voir comment les autres créateurs travaillent, donc de voir des making-of d'autres films, de comprendre le texte que j'ai écrit, L'urgence et la patience, et d'une certaine façon, une sorte de coulisses, puisque j'essaye de raconter la façon dont j'écris. Et comme lecteur, ça m'intéresse de lire des livres où les écrivains parlent de leur travail. C'est une des choses qui me fascine, qui m'intéresse. Donc je suis très ouvert sur cette idée de coulisses. Documentation, source aussi à propos de l'urgence et la patience, il y a un des textes qui s'appelle de mémoire, comment j'ai construit certains de mes hôtels. certains de mes hôtels. Il y a l'idée quand même que c'est la vie qui est qu'elle est la source de documentation première, et là cette phrase là que je cite pour le coup, de l'urgence et la patience, il faut éteindre beaucoup de vie réelle pour obtenir le concentré d'une seule page de fiction. Oui, il y a toute cette réflexion dans l'urgence et la patience, au-delà des coulisses entre la réalité et la fiction, les sources multiples, le fait qu'une page de fiction finalement est nourrie, ou plus simplement, je parle là des hôtels de mes livres, un hôtel, je dis qu'il est composé de plusieurs hôtels réels, que par exemple je vais aller prendre la façade dans un hôtel que je connais à Tokyo, mais l'intérieur de la chambre, ce sera un hôtel d'Osaka, et puis je vais rajouter un hôtel que je connais à Shinagawa pour tel détail d'un téléviseur, et puis quand même je vais prendre un petit hôtel aussi d'un jour à Hong Kong où il y a tel détail, et puis je vais inventer des détails moi-même, donc venus d'aucun hôtel réel, d'un simple hôtel imaginé, et puis je vais avoir un hôtel de rêve ou un hôtel fantasmé, et cette espèce de mélange va créer un hôtel romanesque. Et à un moment, je dis, mais j'ai l'air de parler d'hôtel, mais en fait, vous savez, je parle des personnages, c'est pareil, hein, donc je parle de Marie, donc je parle d'Edmondson, donc je parle des personnages féminins, je fais mine de parler d'hôtel, mais c'est la même chose. Un personnage féminin, romanesque, est lui aussi composé de plusieurs femmes réelles, peut-être d'une plus particulièrement, mais je vais aller chercher tel détail chez une autre, et puis tel détail chez une autre, et puis je vais ajouter tel détail que j'aurais fantasmé, tel que j'aurais rêvé, tel qui aura telle couleur, lié à un mot. Et donc finalement, cette espèce d'alchimie très complexe fait qu'à l'arrivée, il va y avoir un personnage romanesque qui va paraître, qui va avoir une illusion d'être vivant, d'être une personne réelle que la littérature aura réussi à capter. Et ça sera d'autant plus convaincant, je crois, qu'il y aura une ambivalence, que ce soit pas d'un seul tenant, que ce soit pas un caractère qui ait des choses contradictoires dans un personnage. Plus il y a des choses contradictoires, plus le personnage sera crédible et riche, je pense. Et pour finir sur ce verbe documenter que je vous ai proposé aujourd'hui, Jean-Philippe Toussaint, il y a toute cette idée, effectivement, qu'on a développée par rapport au site Internet, par rapport à ces personnages ou ces lieux composites. Vous évoquiez dans un précédent entretien des carnets de notes, mais dans lesquels vous n'alliez jamais retourner voir ce qui était inscrit, pas savoir d'où vient cette image d'un cheval vomissant dans les soutes d'un avion cargo. Donc, documenter, oui, mais sans documentation réelle. On est dans l'immatériel, j'ai l'impression, toujours. Oui, alors, il y a une exception, c'est justement dans La vérité sur Marie. C'est le seul livre où j'ai vraiment fait appel à la documentation. C'est-à-dire que, par exemple, sur les chevaux, j'y connaissais quand même pas suffisamment moi-même, sur les Boeing 747 non plus. Et donc là, j'ai vraiment utilisé, et c'est une des seules fois, notamment par exemple, pour tout ce qui concerne l'avion 747, j'ai rencontré un commandant de bord d'Air France, et j'ai fait vraiment une sorte d'entretien avec lui pour me documenter. J'ai lu un énorme manuel destiné aux propriétaires de chevaux, et que j'ai étudié. Donc d'habitude, je me méfie un peu de trop de documentation en me disant que ça pouvait noyer, et le seul roman finalement où j'ai utilisé de façon systématique la documentation, vraiment j'étais chercher beaucoup de documents, c'est La vérité sur Marie. Et peut-être que je l'ai fait trop parce que pour Nul, le roman d'après, je me suis dit, pas trop de documentation quand même. C'est bien, mais il ne faut pas que ça m'alourdisse. Il faut que justement que je manque un peu de documentation pour pouvoir l'imaginer moi-même. Et par exemple, un des aspects où j'aurais pu très facilement aller vers la documentation, c'est tout ce qui concerne les défilés de mode. Je me suis dit non. Je n'ai jamais été présent à un défilé de mode, j'ai toujours imaginé, mais certes, je connais des tas de coulisses, je connais les coulisses des expositions, des montages d'expositions, j'ai fait une exposition au Louvre, donc je sais comment ça se passe, je connais les coulisses d'un tournage de film, et je peux imaginer, sans l'avoir jamais vu, ce qu'est un défilé de mode. Et peut-être même, je préfère l'imaginer. Voilà ce que je me suis dit. Vous n'êtes pas une fashion victime ? Pas encore. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation, Rafik Zénine. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint.